Chapitre 10 La diplomatie ou le château de Copé 12 octobre 1535 9-10 La guerre et la diplomatie Homme d'État au château de Copé De Lulin les Bernois et Savoie Les Bernois adoucissent le gouverneur Le gouverneur traîne les Bernois Départ de Copé Le gouverneur voit son armée en fuite Les ambassadeurs arrêtent les Suisses. La nouvelle du combat arrive à Genève. Baudichon part avec 500 hommes. Effroi des Savoyards fugitifs. Les Bernois ordonnent aux braves de se retirer. Les Suisses hésitent et pourtant cèdent. Les Bernois faits prisonniers. L'approche de Delamaisonneuve trouble Copé. Ruse des diplomates du château. Trois délégués genevois vont au château. Ils sont saisis et enfermés à Chillon. Delamaisonneuve se laisse tromper. Les Suisses d'eux-mêmes, indignation à Genève, les Genevois prennent trois otages. La diplomatie et la guerre sont les deux moyens qu'on emploie pour décider les différends internationaux. On a coutume de dire assez de mal de l'une et de l'autre, et non sans quelque raison. Quiconque a un cœur compatissant, et désire la prospérité matérielle et morale des peuples, regarde la guerre comme un crime de lèse-humanité. Et cependant un peuple envahi par un conquérant injuste, avide, qui veut le dépouiller de son indépendance et de sa nationalité, a autant le droit de se défendre que l'homme attaqué sur la grande route par un brigand qui veut lui enlever la bourse ou la vie. La diplomatie a ses défauts comme la guerre. Ayant pour but de concilier des intérêts opposés, elle tombe facilement dans des vues étroites, dans l'égoïsme. Tandis qu'elle devrait avoir une sage largeur qui résolut les différends avec impartialité. Tout en reconnaissant, avec une certaine sagesse, dans les temps ordinaires, le chemin qu'elle doit suivre, elle se trouble et se trompe dans les époques de transition qui font passer l'humanité d'une phase à une autre. On rencontre dans les voyages de long cours telle latitude, tel jour, où l'aiguille aimantée devient d'une agitation telle qu'il est impossible au pilote de s'en servir pour tracer sa route. Il va peut-être à gauche tandis qu'il devrait aller à droite. C'est ce qui arrive à la diplomatie dans ces grandes époques où, comme au XVIe siècle, la société humaine tourne sur ses gonds et entre dans une sphère nouvelle. La diplomatie agit d'abord en pareil cas, en sens contraire aux impulsions qui préparent l'avenir. Elle applique tous ses soins à maintenir ce qui a été, tandis que le caractère normal de l'époque nouvelle est précisément que ce qui a été doit faire place à ce qui sera. Les gouvernements, et cela est naturel, commencent toujours par s'opposer au nouveau développement de la vie sociale, politique, religieuse. C'est ce que fit d'abord la puissante aristocratie de Berne à l'égard de Genève, nous l'avons vu et nous allons le voir. Mais s'il y a une diplomatie mauvaise, il y en a aussi une bonne. Serait-il hors de propos de faire remarquer que si le château de Copé, où quelques-uns des faits de notre histoire se passèrent, fut, en 1538, le siège de la mauvaise politique, il a été plus tard le foyer de la bonne. Le conseil de Berne s'était tenu soigneusement informé des faits et gestes de Claude Savoie. Il avait appris que 450 hommes environ, parmi lesquels il se trouvait plusieurs sujets de messeigneurs, traversaient le Jura pour secourir Genève, non sans danger, à cause du peu de gens qu'ils étaient. Le conseil savait que ces hommes d'armes auraient à combattre les nobles et autres gens du pays, assemblés de tous côtés dans les villages et sur les chemins, au nombre de plus de 3 ou 4 000. Le magistrat bernois voulait d'ailleurs éviter la guerre. En conséquence, il avait député Louis de Diesbach et Rodolphe Nageli dans le pays de Vaud, avec charge d'ordonner aux volontaires de retourner chez eux. Les deux ambassadeurs bernois s'étaient dirigés sur Copé et son manoir, situés entre Genève et Gingin. Il y avait alors beaucoup de monde dans cette demeure féodale, remplacée maintenant par un château moderne. Ces lieux, qui devaient être un jour l'asile des lettres et de la liberté, était alors, par un singulier contraste, le quartier général de gentilshommes rudes, ignorants, qui voulaient à tout prix maintenir la féodalité et détruire dans Genève la lumière, l'indépendance et la foi. Monseigneur de Lulin, gouverneur du pays de Vaud de la part du duc, s'y était établi avec ses officiers et plusieurs chevaliers de ses contrées. Le samedi 9 octobre, jour où Wildermuth et sa troupe avaient atteint le village de Saint-Sergue, les ambassadeurs de Berne étaient arrivés au château de Coppé dans le dessein de s'entendre avec le gouverneur de Vaud sur les moyens de prévenir la bataille qui était imminente. Ils y avaient appris qu'elle était plus proche encore qu'ils ne l'imaginaient, qu'on attendait les Suisses le lendemain matin. Les chefs savoyards et bernois entrèrent aussitôt en conférence sur ces graves matières et les discutaient encore quand, dans la soirée, Claude Savoie, qui n'avait eu que 2 ou 3 lieues à faire, arriva sur son coursier haletant. Le hardi Genevois ne se cachait pas pour tout ce qu'il y avait d'imprudence à paraître dans le château, occupé par le commandant en chef des ennemis de Genève. Mais n'importe, il voulait à tout prix obtenir de Diesbach la promesse de ne pas arrêter les troupes qu'il amenait au secours de ses concitoyens. Le sire de Lulin, informé de son arrivée, en fut étonné, irrité. Il y eut une scène orageuse dans le conseil, et cet administrateur habile mais passionné et colère ordonna qu'on saisît le Genevois hérétique et rebelle. Celui-ci, conduit par des hommes d'armes, parut bientôt devant lui dans la salle principale du manoir. Un huguenot de Genève était pour les Savoyards qui entouraient le gouverneur une espèce de monstre qui excitait à la fois leur curiosité et leur horreur. Savoie, comprenant qu'il se trouvait dans la gueule du lion, présenta le papier que lui avait envoyé Dallinge. Ceci met le comble au courroux du gouverneur. « De quel droit, demanda-t-il à ce seigneur, donnez-vous un sauf-conduit » Lulin, pensant que ce noble Savoyard pouvait bien être lui-même un traître d'accord avec les ennemis de son Altesse, ordonna qu'on mît également en prison le porteur et le donneur du passeport. Les ambassadeurs de Berne ne crurent pas devoir s'y opposer. L'essentiel pour eux était d'obtenir du gouverneur la promesse de tout faire pour empêcher l'arrivée de la bande. Ils lui demandaient en conséquence de partir à cet effet avec eux le lendemain matin, dimanche 10 octobre, au point du jour, de gravir la montagne sur le haut de laquelle il pensait trouver encore Wildermuth et les siens et de les faire rétrograder. De Lulin ne consentait pas à cette proposition. Il voulait laisser la petite bande suisse descendre dans la plaine, ne doutant pas que les soldats dont il disposait ne l'écrasassent. Une occasion se présentait de donner une forte leçon à ces aventuriers qui osaient se mesurer avec le duc de Savoie. Pas un de ces téméraires ne retournerait dans sa patrie. Mais les Bernois étaient encore plus décidés que le gouverneur savoyard, et après beaucoup d'efforts, ils obtinrent qu'il se rangeât à leur désir. « Des morasmes d'arrêt, disent-ils dans leur rapport, de les aller trouver et les faire retirer en assurances en leur pays, aux dépens de Monseigneur de Savoie, combien que nous y eussions bien à faire. » Des pensées très diverses occupèrent les hôtes du manoir pendant la nuit qui suivit ces délibérations. Tandis que les Bernois réfléchissaient aux moyens d'empêcher la bataille, le gouverneur revenait à ses plans. Il se disait qu'il avait 3 à 4 000 hommes, frais, reposés, prêts au combat, et que les Suisses n'étaient que 400 ou 500, fatigués et affamés. Ne pas profiter de la circonstance pour donner une verte leçon à tous les hérétiques et les brouillons lui semblait une faute grave. Sans revenir sur ses promesses, il se pouvait que si l'on traînait un peu en longueur, les Suisses eussent le temps de descendre et de se faire massacrer par les Savoyards. Le dimanche matin, Negeli et Diesbach étaient debout au point du jour, mais Lulin les fit longtemps attendre. Quand il parut, les Bernois lui dirent qu'ils étaient prêts à partir selon qu'ils en étaient convenus. « Permettez, messieurs, leur dit le gouverneur, il faut d'abord que j'entende la messe. Nous autres catholiques, nous ne nous mettons pas en route sans cela. » La messe fut très longue. Enfin, les Bernois, voyant paraître le gouverneur, crurent leur épreuve finie. Mais Lulin, toujours convaincu qu'en donnant le temps à ses troupes, elles anéantiraient la bande de Wildermuth, leur dit « Messieurs, on va servir une collation. Impossible de partir sans déjeuner. » La collation se fit un peu attendre. Lulin et ses gentilshommes parlaient beaucoup et avec une extrême amabilité. « Vraiment, le gouverneur et les gentilshommes nous entretiennent un peu trop, ce matin, » disaient les ambassadeurs, fort ennuyés de tous ces retards. Enfin, on se mit à table et l'on y fut sans doute demeuré fort longtemps. Mais tout à coup, un bruit semblable à des décharges de mousqueterie se fit entendre. Les ambassadeurs bernois se levèrent. Plus de doute, la bataille est engagée. Il est peut-être trop tard pour remplir leur mission. N'importe, ils courront au champ de bataille. Le gouverneur savoyard, pensant que grâce à tous ces délais, ces hommes d'armes auront eu le temps de tailler en pièces les Suisses, ne fit plus de difficultés. on descendit dans la cour du château où, depuis quelques heures, 30 chevaux piétinaient et un grand nombre d'officiers, de gardes, de domestiques babillaient. « Qu'on m'amène le beau cheval espagnol du Genevois, dit le gouverneur, et qu'à lui, on lui donne un âne. » On amena au sire de Lulin le noble coursier de Claude Savoie. « Donnez-moi aussi son arquebuse, ajouta le malin savoyard. « Je suis sûr qu'elle est excellente. » La troupe se forma. Les 30 cavaliers et les gardes du gouverneur entourèrent le sire de Lulin, ses officiers, les Bernois, et Savoie montée sur son humble quadrupède. On ne pouvait aller très vite, par ménagement pour l'âne hérétique, que Lulin ne voulait pas laisser en arrière. Claude Savoie ne s'inquiétait nullement du ridicule dont le gouverneur cherchait à le couvrir, et plutôt que de rester à Coppet, il préférait qu'on se moquât de lui, qu'on le traitât comme un vil prisonnier. Cependant, le gouverneur et son escorte avançaient, regardant devant eux, pour voir s'ils ne découvraient pas les Suisses. Tout à coup, à quelque distance de Gingin, le spectacle le plus étrange, le plus inattendu, s'offre à leur regard. Des soldats fuient de toutes parts, il y en a sur tous les chemins, dans tous les sentiers, à travers les champs. Partout l'épouvante, la confusion et toutes les marques d'une défaite signalée. Le gouverneur examine attentivement, et en vain voudrait-il se tromper. Ce sont bien ses propres soldats. Il s'était attendu à voir la troupe ennemie détruite, et il voit ceux qui devaient accomplir ses desseins s'enfuir confusément. Indignés de cette lâcheté, ils s'approchent de quelques fuyards et leur crient « Poltron, que faites-vous? Arrêtez-vous! Pourquoi fuyez-vous? N'êtes-vous pas 10 fois plus nombreux que ces hérétiques? Allons, retournez! Venez m'aider à les pendre !» Mais les Savoyards, frappés d'une terreur panique, passant près de lui sans presque l'apercevoir. Impossible de les faire rétrograder. Que faire dans une conjoncture si étrange? Il n'y avait plus qu'un parti à prendre. Le gouverneur s'était flatté de voir les Suisses écrasés, ou de les écraser lui-même, et il les trouvait victorieux. Au lieu d'avoir recours à l'épée, il fallait se résoudre à une humble prière. Il semble que ni Lulin ni Diesbach n'avaient quelque espoir de voir une troisième attaque réussir. Les ambassadeurs bernois, chargés par leur conseil de se porter comme médiateurs, devaient donc s'avancer et arrêter la terrible bande. De Lulin leur donna quelques-uns de ses cavaliers pour escorte, et ils partirent. Mais tantôt ils étaient arrêtés par des troupes de fuyards, tantôt ils tombaient au milieu de cavaliers savoyards qui marchaient en avant pour rejoindre leur drapeau. Ils arrivèrent pourtant sur le champ de bataille. C'était le moment où les Suisses, ayant remporté 2 victoires et rendu grâces à Dieu, s'étaient aperçus que de nouvelles bandes arrivaient et se préparaient à recommencer une troisième fois le combat. Mais, à la vue des seigneurs de Berne, ils s'arrêtèrent. Cette circonstance importante allait imprimer aux événements une marche nouvelle et inattendue. Pendant ce temps, que faisait le Genevois sur son âne? Les chroniques ne nous le disent pas, il disparaît, il s'évanouit. On peut conjecturer que, voyant Lugrin occupé à réunir ses troupes, espérant encore qu'une nouvelle bataille aurait lieu, comprenant la nécessité d'informer les conseils de tout ce qui se passait, il profita du trouble universel pour se diriger sur Genève, appeler ses concitoyens à prendre leur part dans cette héroïque affaire et à se joindre aux Suisses. Quoi qu'il en soit, le 11 octobre, lendemain de la bataille, au matin, la nouvelle du combat de Gingin fut apportée à Genève par Savoie ou par un autre, et toute la ville en fut émue. « Un combat acharné a eu lieu entre nos libérateurs et nos oppresseurs, » disait-on. 400 Savoyards sont restés sur place, mais les Suisses, entourés de troupes nombreuses, sont enfermés près de Nyon et en grand danger de succomber. À cette nouvelle, un cri se fit entendre dans la libre cité. On savait le nombre des Savoyards, on l'exagérait même. Il fallait sauver les Suisses à tout prix. D'ailleurs, nul doute que si cette petite bande était détruite, Lugrin, Mangereau et les autres chefs ne se tournassent contre Genève. Les Genevois n'hésitèrent pas. Ils avaient déjà livré tant de combats, ils étaient prêts à en livrer d'autres. L'homme fort est celui qui lutte toujours. Celui qui cesse de nager contre le courant contraire est emporté par les flots et disparaît. Les peuples dont la liberté ou la foi sont menacés doivent, comme l'homme fort, lutter jusqu'à la fin, de peur que les hautes eaux ne les submergent. C'est là l'exemple qu'a longtemps donné la petite ville de Genève. Depuis des siècles, elle combattait alors pour son indépendance. Pendant des siècles encore, elle combattit pour sa foi. Baudichon de la Maisonneuve, capitaine général, appela aux armes tous les citoyens. Il n'eut pas de peine à les réunir. On racontait dans Genève les difficultés inouïes que les Suisses avaient dû surmonter en traversant le Jura. Tant de souffrances, disait-on, de travaux, de diligence, d'amour, tant de services signalés, le grand danger où se sont mis ces braves gens à cause de nous, ne trouverait-il chez nous que de l'ingratitude ? Les Genevois résolurent de délivrer les Suisses ou de mourir avec eux. En un instant, ils furent sous les armes. Environ 2000 hommes, dit Froment, vinrent se placer bien équipés sous le commandement de Baudichon de la Maisonneuve. D'autres documents ne parlent que de 500. Ce chiffre semble plus près de la vérité. Froment compta sans doute tous ceux qui prirent les armes, les plus âgés qui restèrent dans la ville pour la défendre, aussi bien que les plus jeunes qui la quittèrent pour venir en aide à la bande de Wildermuth. On sortit de l'arsenal 8 pièces d'artillerie, et l'armée ayant été divisée en 3 corps sous divers capitaines, Baudichon de la Maisonneuve en prit le commandement en chef. On partit. Les soldats de Genève s'avançaient vers le pays de Vaud avec enthousiasme et précipitaient leurs pas de peur d'arriver trop tard. À la vue de la petite armée de Baudichon, les Savoyards dispersés que la peur avait amenés jusqu'à Versoix et aux environs de Coppet et qui tremblaient encore à la pensée du combat de la veille, crurent que tout était perdu. « Nous allons tous être tués, disaient-ils, et le pays conquis !» Les uns s'enfuyaient çà et là dans la campagne, d'autres, craignant que le temps ne leur manquât, se cachaient aux environs de Coppet dans les Courtils, petit jardin clos. D'autres, plus effrayés encore, voulant mettre le lac entre eux et leurs ennemis, se jetaient dans quelques bateaux amarrés au rivage, et faute de pales, d'avirons, ils se servaient de leurs hallebardes et ramaient ainsi de toute leur force pour gagner la rive de Savoie. Les Genevois, sans s'arrêter à poursuivre les fuyards, arrivèrent jusqu'à une petite distance de Coppet. « Si une fois nous sommes réunis aux Suisses, disait-il, ce qui facilement peut être fait, le pays est sauvé. » Le soir du dimanche et le matin du lundi, la diplomatie avait de son côté fait son œuvre. Les envoyés de Berne, arrivés la veille sur le champ de bataille, au moment où les Suisses allaient pour la troisième fois fondre sur l'armée savoyarde, étaient placés en face de cette troupe de héros. Et fidèles à l'esprit diplomatique qui soufflait alors sur les conseils de la puissante République, « Cessez !» leur avait-il dit. « De la part de nos supérieurs, nous vous commandons de vous retirer. Les Savoyards sont beaucoup et tout prêts pour vous bien recevoir. » Les seigneurs de Berne étaient habitués à commander et leurs ressortissants à obéir. On espérait donc gagner les hommes du Seeland. De son côté, Louis de Diesbach, qui s'était signalé dans les guerres d'Italie et avait gouverné Neuchâtel en 1512, après que les Suisses l'avaient enlevé à son prince, Louis d'Orléans, se crut propre par cela même à persuader ceux des Neuchâtelois qui étaient demeurés fidèles à l'entreprise. Il les prit à part, leur donna à entendre, comme aux Bernois, qu'il serait mieux pour eux de se retirer avec bonne victoire que de se mettre en plus gros danger. Tout fut mis en œuvre pour faire, par douces paroles, retourner ces vaillants champions, dit Froment à 2 reprises. Au fond, la diplomatie était moins sûre qu'elle n'en avait l'air de la défaite qui, selon elle, attendait les hommes de Wildermuth. Si seuls ils avaient gagné 2 victoires, que ne feraient-ils pas avec le secours de ceux de Genève ? Leurs ennemis se trouveraient entre 2 feux, et comme le disaient quelques-uns, ils allaient être tous pris et le pays gagné. Les gens de la Maisonneuve, réunis à ceux de Wildermuth, chasseraient les Savoyards du pays et le réuniraient à Genève ou à la Suisse. Les diplomates disaient au contraire aux Suisses qu'attaquer était s'exposer à subir une défaite aussi éclatante que l'avait été le triomphe, que le combat que ces braves avaient livré ne serait d'ailleurs point inutile, que chargés de l'œuvre de médiation, les Bernois obtiendraient de la Savoie une bonne paix en faveur de Genève. « Voilà 2 ou 3 jours que vous êtes sans manger, » ajouta Diesbach. « 2 combats ont épuisé vos forces. Rendez-vous au village de Fournay, au-dessus de Coppet, des vivres abondants vous y attendent, et vous recevrez là nos dernières directions. » Ainsi parlèrent les seigneurs de Berne. Mais les plus intrépides de Neuchâtel et du Seeland étaient grandement courroucés. Ils demandaient s'ils se laisseraient séduire par douces paroles ou par folles craintes. Ils se riaient de la peur qu'on leur faisait des Savoisiens, lesquels étaient selon eux tant effarouchés qu'ils ne savaient où ils en étaient. Cependant, les ambassadeurs ne se lassaient pas. Déjà, des Suisses hésitaient. Un grand nombre de Bernois ne voulaient pas se mettre en révolte contre le gouvernement de leur canton. Les Neuchâtelois se disaient que c'était messieurs de Berne qui avaient soutenu dans Neuchâtel l'œuvre de la réforme, qu'ils ne l'abandonneraient donc pas dans Genève. Plusieurs, enfin, épuisés, brisés par 2 jours de voyage dans la neige et 1 jour de rude combat, n'ayant eu que quelques raves pour aliments, trouvaient que puisqu'ils étaient exténués par la faim et qu'on leur offrait à Founay la nourriture qu'on ne leur avait pas donnée à Gingin, il était tout naturel de s'y rendre. Ce n'était pas d'ailleurs abandonner leur dessein, Founay n'était-il pas sur le chemin de Genève? Les ambassadeurs redoublaient d'instance. Tous partirent, ne quittant pas toutefois sans regret le glorieux champ de bataille. Ainsi ils vinrent à Founay, où on leur bailla à boire et à manger, disent les registres de Genève. Les seigneurs bernois les regardèrent défiler, et quand le dernier eut passé, ils respirèrent, tournèrent bride et prirent avec leur escorte la route de Copé, fort contents d'avoir si bien réussi. Mais ils n'étaient pas au bout de leurs angoisses. À peine avaient-ils fait une partie du chemin qu'une grande frayeur vint les assaillir. Une escouade de Savoie, forte de 60 hommes, s'approchait. Arrivés à quelque distance des Bernois, ces cavaliers piquent des deux, se jettent sur les ambassadeurs et leurs gens, et crient « Égorgé, égorgé !» L'un d'eux, appuyant son mousquet sur la poitrine de Diesbach, s'apprête même à le tuer. Au milieu de l'effroi qui les avait saisis, les diplomates bernois commençaient à comprendre qu'il n'est pas sage de mal choisir ses amis. Cependant, Diesbach en fut quitte pour la peur, un des gentilshommes de l'escorte détourna le coup. Toutefois, les explications des ambassadeurs ne satisfirent pas les Savoyards. C'étaient des cavaliers de renfort qui se rendaient à Gingin pour aider les leurs à tirer raison de la défaite que leurs compatriotes venaient d'essuyer. Ils étaient furieux et disaient qu'ils voulaient venger leurs camarades immolés par les Bernois à 2 reprises. Persuadés que ces patriciens de Berne étaient d'accord avec les vainqueurs, ils les firent prisonniers, leur ordonnèrent de descendre de cheval et les forcèrent de marcher au milieu d'eux, à pied, comme des voleurs. Ils entendaient les mener dans la prison de Nyon. À la fin, pourtant, après de nouveau pourparlers, ces rudes cavaliers comprirent qu'ils emmenaient les amis du gouverneur et, intimidés par cette pensée, ils se hâtèrent de les relâcher. Messieurs de Berne, remontant sur leurs chevaux, se rendirent à Copé. Il était tard quand ils arrivèrent au château où de graves circonstances les attendaient. Le lendemain, lundi 11 octobre, le gouverneur, les 2 députés de Berne et plusieurs gentilshommes, s'étant réunis à l'heure du déjeuner, conféraient ensemble sur ce qu'il y avait à faire, tout en s'occupant à bien boire, manger et banqueter. En ce moment, un officier entra et leur apprit qu'une armée genevoise, commandée par de la Maisonneuve, s'approchait du château. Le trouble fut alors dans tout le manoir. L'armée savoyarde était éloignée, en sorte que les Genevois pouvaient d'un coup de main s'emparer du gouverneur de Vaud, de ses officiers et gentilshommes, et même de messieurs de Berne, et les emmener tous à Genève. Un tel coup eût été tout à fait dans l'esprit du hardi de la Maisonneuve. S'il avait su faire partir de Genève l'évêque, il pourrait bien, pensaient plusieurs, délivrer sa ville des seigneurs qui conspiraient à Copé. Que faire pour l'arrêter? Ces messieurs inventèrent un vieux tour de guerre, dit la chronique, qui consiste à ce que tout homme, hors d'état de résister à ses adversaires, fait semblant de vouloir la paix, soit pour gagner du temps, soit pour faire tomber l'ennemi dans quelque piège. Il fallait à tout prix faire retourner ceux de Genève. La diplomatie recommença donc ses ruses. Le gouverneur de Vaud, quoique plus décidé que jamais à combattre cette cité inquiétante, chargea quelques-uns de ses gentilshommes d'aller informer le commandant genevois que l'on était en conférence, que même on était prêt à signer les préliminaires d'une paix avantageuse à la ville, mais que pour terminer cette négociation, il fallait avoir 3 députés de Genève. Les gentilshommes de Savoie, porteurs de ce message, étant arrivés aux avant-postes des Genevois et ayant été conduits vers de la Maisonneuve, s'acquittèrent de leur mission pacifique. Les avis furent partagés. Les uns soupçonnaient quelques ruses et représentaient que les troupes de Genève et de Neuchâtel pouvant se conjoindre, l'indépendance de Genève était assurée. Ils faisaient donc tout ce qu'ils pouvaient pour s'opposer à la conférence. mais d'autres affirmaient que l'on pouvait se fier à M. de Diesbach, que le mieux était d'envoyer trois des leurs qui s'assureraient de la sincérité des offres de paix qui étaient faites et reviendraient faire rapport. « Qui nous assure qu'ils reviendront ?» s'écrièrent ceux qui redoutaient le gouverneur savoyard. Sur cela, les gentilshommes du sire de Lulin donnèrent foi et promesse qu'il n'arriverait aucun mal aux délégués. Les honnêtes genevois cédèrent, ne voulant pas supposer un parjure. Ils choisirent comme envoyés Jean d'Arlaude, Thibaut Docker et Jean Lambert. Quand cette députation arriva au manoir, le seigneur de Lulin et ses convives s'occupaient de nouveau à boire, manger et banqueter. Cette intimité des seigneurs de Berne avec les ennemis de Genève déplut à d'Arlaude et à ses collègues. Toutefois, ils résolurent de s'acquitter fidèlement de leur mission, mais ils ne devaient pas tarder à apprendre que les chefs savoyards ne songeaient nullement à la paix, qu'ils voulaient écraser cette secte rebelle aux lois de l'Église, cette secte qu'ils avaient longtemps accablée de leur mépris, qui renvoyait les prêtres, qui se déclarait indépendante du pape, qui faisait des lois contraires à celles qui, depuis des siècles, régissaient la chrétienté et prétendait traiter avec Rome d'égal à égal. Ces huguenots avaient dépossédé les saints des honneurs dont ils jouissaient, détruit les images, aboli la messe, interdit les rites sacrés. Qu'y avaient-ils à faire si ce n'est à traiter leurs députés comme des criminels ? Les plénipotentiaires genevois demandèrent à connaître les articles préliminaires de la paix dont on voulait traiter avec eux. Le sire de Lulin ne pouvait en croire ses oreilles, et bouillonnant de colère, il s'emporta à Louis d'une telle audace. Quoi, des rebelles osent demander à connaître les préliminaires ? Il ordonna qu'on les saisît. En vain les genevois mirent-ils en avant la parole qu'on leur avait donnée. Lulin ne voulait rien entendre, et désirant à tout prix la guerre, il était résolu à fouler aux pieds l'inviolabilité dont les lois des nations couvrent les parlementaires. Les trois genevois furent liés et garrottés comme des brigands. « Qu'on les conduise à la forteresse de Chillon, » dit Lulin. « Ils pourront y converser avec M. de Saint-Victor, Bonivard, qui y a été déjà 6 ans passés pour les affaires de Genève. » Ces trois nobles citoyens furent en effet conduits et enfermés au château de Chillon. On pensait alors à couper, comme un siècle avant à Constance, que nul n'est obligé de garder le serment fait à des hérétiques. De la Maisonneuve et ses chefs attendaient avec impatience le retour de leurs délégués. Le temps s'écoulait et ils ne paraissaient pas. La crainte d'événements funestes commença à agiter les esprits les moins crédules. Il est probable, dirent quelques-uns, que c'est une allée qui n'aura pas de retour. Le commandant envoya la trompette à mi-voulier s'enquérir de ce qui se passait, ce qui rentrait alors dans ses fonctions. Celui-ci, soit qu'il penchât du mauvais côté, soit qu'il fût gagné par l'ennemi, soit enfin qu'il se laissa tromper par quelque rusé savoyard, revint et rapporta que ces messieurs du château étaient occupés à rédiger les articles de paix, que du reste le manoir n'était pas sans défense, car dans les vignes qui l'entouraient, il avait vu beaucoup plus de soldats que de ceps. Il ajouta que puisque la paix allait être signée, la présence d'hommes d'armes, qui ne devaient pas se battre, était inutile, que le mieux était que chacun retournât chez soi. Les plus pacifiques des genevois, croyant leurs délégués réellement occupés à conclure un bon traité, insistèrent aussi pour qu'on rentrât dans la ville. Un commandant expérimenté, éclairé d'un esprit supérieur, ne se fut pas contenté du rapport du trompette. Il n'eut pas quitté la place sans être entré directement en rapport avec les trois plénipotentiaires. S'il avait découvert la perfidie du gouverneur savoyard, il eût pu, surtout appuyé par les Suisses, entourer le château, faire prisonnier le gouverneur, ses gens et les Bernois eux-mêmes, et ne les relâcher que quand il aurait obtenu la délivrance des plénipotentiaires. Même s'il était véritable que l'on traitât de la paix, n'était-il pas utile que les forces de Genève demeurassent près de Copé pour appuyer les représentations de leurs mandataires ? De la Maisonneuve était un bon citoyen, un bon protestant, un bon soldat, mais il n'était ni un grand général, ni un fin diplomate. Une noble simplicité de cœur ne soupçonne d'ailleurs pas la dissimulation. Ces fiers huguenots, qui péchaient quelquefois par trop de violence, péchèrent alors par trop de bonhomie. Il fut décidé que la paix allant être signée, les genevois rentreraient dans leur foyer. La troupe partit pour Genève. Cette faute pesa dès lors sur Baudichon de la Maisonneuve et troubla le reste de sa vie. Les diplomates habiles réunis à Coppé, s'étant ainsi défait des Genevois, entreprirent de se débarrasser de même des Suisses cantonnés à Founé. Quelques-uns se rendirent vers eux. La paix est faite, dirent-ils, il faut que tous les soldats rentrent chez eux. La cité des Huguenots sera libre, vous avez bien acquis le droit de jouir de quelque repos. Le gouverneur de Vaud, d'ailleurs, s'engage à payer les frais de voyage. Les Suisses cédèrent, comme les Genevois, à une victoire héroïque succédait une défaite diplomatique. Si les justes ont leur puissance, les habiles ont aussi la leur. C'est le sort des hommes et des peuples humbles et sincères d'être quelquefois mystifiés par les adroits et les puissants. Quant aux Suisses, la dernière strophe du chant de guerre de Gingin indique que s'ils prirent le chemin du retour, ils le firent dans la conviction que la délivrance de Genève était assurée. Terminez l'affaire, avons-nous dit, que la cité de Genève soit délivrée, c'est tout ce que nous demandons. Que sa paix soit affermie, que la parole de Dieu puisse y être prêchée en toute liberté. Que la brebis du Seigneur soit sauvée, et alors nous reprendrons tout joyeux le chemin de nos foyers. Mais ces chants étaient l'illusion d'âmes honnêtes. Si les armes avaient fait triompher à Gingin le droit et la liberté, la politique venait de faire triompher à Coppé la fraude et le despotisme. Toutefois, une question se présente. La bataille de Gingin fut-elle inutile ? Non, elle sauva Genève. La bravoure des Suisses et leur victoire s'imprimèrent profondément dans les esprits des populations de Vaud. On en parlait dans les villages, dans les châteaux et même jusque dans la Savoie. Aussi, quand plus tard une armée, envoyée par les conseils de Berne, paraîtra dans le pays, nul n'osera se mesurer avec elle, la bravoure des Suisses glaçant encore d'effroi tous les cœurs. Louis de Diesbach et ses collègues, arrivés à Genève le lendemain de la trahison de Coppé, proposèrent au conseil un traité avec le duc, qui stipulait, entre autres, que les traîtres de Penet seraient rétablis dans tous leurs privilèges. « Quoi ?» dit le premier syndic. « Vous avez renvoyé ceux qui venaient à notre secours et vous prétendez mettre dans nos murs ceux qui ne cessent de nous faire la guerre ?» De la Maisonneuve, découvrant que le trompette avait fait un faux rapport, que les troupes, au lieu de se retirer sur Genève, auraient dû marcher sur Coppé, ne put contenir sa douleur et sa colère. Déclara cet homme coupable de haute trahison et plusieurs s'unirent à lui pour demander sa tête. Il vécut pourtant, mais privé de l'estime de ses concitoyens. Toutefois, l'indignation des magistrats et des chefs militaires fut peu de chose à côté de la colère du peuple. La pensée qu'on avait jeté les parlementaires dans les murs de Chillon faisait bouillonner les cœurs. « Usons de représailles, » disaient aux syndics les amis des victimes, « et pour être sûr qu'on nous rendra nos concitoyens, prenons des otages qui les vaillent. » Trois hommes notables, alors sous la main des Genevois, M. de Sales, le bâtard de Vufflens, et M. de Montfort, furent en effet saisis. Ce dernier était un religieux du couvent de Saint-Jean, situé sur les hauteurs que baignent les eaux bleues du Rhône, aux portes de Genève, quoique déjà sur le territoire du duc. Le peuple ne balance pas les droits de la justice comme les prud'hommes en leur conseil. Les flammes qui brûlaient dans les cœurs éclatent tout à coup, on crie, on s'assemble, le flot populaire se grossit de rue en rue, s'agite, bouillonne. Laisserons-nous à la porte de la ville, dit-on, un édifice d'où l'ennemi peut braquer sur nous son artillerie ? En un moment, la foule escalade les murailles, se saisit de Montfort, monte sur les toits, brise, démolit, renverse, et ne s'arrête que quand la maison de Saint-Jean est en ruine. Le crime de Coppé produisait la tempête de Saint-Jean. L'indignation populaire n'avait pas réfléchi que dans tous les États, et en particulier dans les républiques, rien ne doit se faire que par la loi.